إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture de cette épître de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans laquelle il répond à Abu al-Qasim al-Maghribi rahimahullah ta'ala au sujet de quatre questions qu'il lui a posées. Au sujet d'une recommandation pour réformer sa religion et ses affaires mondaines. Et également au sujet des meilleures œuvres après les obligations. Au sujet d'un livre sur lequel se baser dans la science du hadith et les autres sciences de la religion. Et également au sujet des meilleurs moyens de subsistance. Donc on a vu hier que la recommandation que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala a tout d'abord adressée à Abu al-Qasim, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'est autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous expliquer pourquoi le hadith qu'il a mentionné, le hadith de Mu'adh, radiallahu ta'ala anhu, est une explication de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enjoint la crainte d'Allah. Il dit rahimahullah, وَأَمَّا بَيَانَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي وَصِيَّةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Quant à l'exposé que tout cela entre dans la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est-à-dire ce qui a été mentionné dans le hadith de Mu'adh radiallahu ta'ala anhu. La crainte d'Allah où que l'on soit, le fait de faire suivre la mauvaise action d'une bonne qui viendra l'effacer et le fait de se comporter avec les gens d'un bon comportement. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, comme vous allez le voir, il va nous montrer le sens profond de la taqwa, le sens profond de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَهُوَ أَنَّ إِسْمَ تَقْوَ اللَّهِ يَجْمَعُ فِعْلَ كُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِجَابًا وَاسْتِحْبَابًا وَمَا نَهَا عَنْهُ تَحْرِيمًا وَتَنْزِيهًا. Il dit ce, car la crainte d'Allah, elle englobe l'accomplissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, que ceci soit une obligation ou une chose recommandée. Et cela englobe également le délaissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'une façon stricte, c'est-à-dire que c'est muharram, totalement interdit. Et également ce qu'il a réprouvé et qui est détestable. Donc ceci est la réalité de la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires, et délaisser l'ensemble des interdits, que leur délaissement soit obligatoire pour les choses muharrama, ou que leur délaissement soit recommandé pour les choses qui sont détestables. Et il dit ensuite, rahimahullah, وَهَذَا يَجْمَعْ حُقُوقَ اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ. Il dit ceci englobe le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais aussi le droit de ses serviteurs. Comme dans le hadith, le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu l'adores, que tu le craignes, que tu te réformes lorsque tu commets des mauvaises actions, et le droit des serviteurs, que tu te comportes avec eux convenablement. Il dit ensuite, لكن لما كان طارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. Il dit cependant, comme parfois lorsqu'on vise par la taqwa, lorsqu'on le parle de la crainte d'Allah, les personnes elles pensent à quoi? Elles pensent à la crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait, comme il dit le Cheikh, de délaisser les interdits. Pourquoi? Par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'en pense pas forcément à tout ce que cela englobe, comme on l'a dit, à se soumettre à l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci fait aussi partie de la crainte d'Allah. Il dit c'est pour cela que cela est venu en détail dans le hadith de Mu'adh. وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَصَحَّحَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. Également dans le hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par al-Tirmidhi qu'il a jugé authentique, il a été dit au messager d'Allah Quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens au paradis? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah, c'est-à-dire que tu donnes son droit à Allah subhanahu wa ta'ala en te soumettant à ses ordres. Et le bon comportement, que tu donnes leur droit à ses serviteurs. Le droit d'Allah et le droit des serviteurs. وَقِيلَ وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ. Il a été dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la chose qui fait le plus entrer les gens dans le feu de l'enfer? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-ajwafan, al-fam, wal-farj. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la bouche et les parties intimes. Car les péchés accomplis par ses membres, ils sont très nombreux. C'est pour cela qu'ils sont la cause d'entrée de beaucoup de gens en enfer. Et inversement, il est venu dans des hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le paradis, c'est-à-dire l'entrée au paradis, à celui qui lui garantissait ses deux membres, la bouche et les parties intimes. C'est-à-dire qu'il lui garantissait de prendre garde à ne pas tomber dans les péchés de la langue et les péchés liés aux parties intimes. Wa fi sahih, an Abdillah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. Et dans l'authentique, c'est-à-dire lorsque les savants disent wa fi sahih dans leurs ouvrages, cela vise parfois Al-Bukhari et Muslim ou encore l'un d'entre eux, ou alors ils peuvent viser simplement dans le hadith authentique comme c'est le cas ici, car ce hadith n'est pas rapporté par Al-Bukhari Muslim. Il dit donc dans le hadith authentique, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant le plus complet en termes de foi, c'est le meilleur en termes de comportement. Le croyant le plus complet en termes de foi, c'est le meilleur en termes de comportement. Il a donc fait de la perfection de la foi, la perfection du bon comportement. Donc on revient à ce que l'on a dit hier. Lorsque l'on a mentionné que la réalité du bon comportement, c'est quoi? C'est la perfection de la foi. C'est la religion tout entière. Et ce n'est pas simplement les relations avec les gens, comme le comprennent certaines personnes. Lorsqu'ils écoutent ce hadith, ils peuvent se dire, donc ce qu'il y a de plus important, c'est quoi? C'est le comportement. Et il va donner de l'importance seulement à quoi? Au comportement, aux ouvrages traitant du comportement, au point de mépriser plus important que cela, au point de négliger, par exemple, l'apprentissage de la croyance authentique, l'apprentissage du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage des choses liées à la validité de ses œuvres, l'apprentissage des choses qui nous permettent de distinguer entre le monothéiste et le polythéiste, entre les gens du paradis et des gens de l'enfer. Il va se concentrer simplement sur le comportement. Pourquoi? Car il n'a pas compris la réalité de ces hadiths. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, il a fait de la perfection de la foi la perfection du bon comportement, c'est-à-dire la perfection du bon comportement dans l'ensemble des ordres religieux, dans l'ensemble de la religion, et pas seulement ce qui est lié aux relations avec les gens. Il dit ensuite, rahimahullah, pour appuyer ce sens-là, وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِيمَانَ كُلَّهُ تَقْوَى اللَّهِ وَتَفْصِيلُ أُصُولِ التَّقْوَى وَفُرُوعِهَا لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهَا الدِّينُ كُلُّهُ. Il dit, il est connu que la foi tout entière, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les détails liés au fondement de la taqwa, au fondement de la crainte d'Allah et à ses branches ne peuvent pas être traités ici. En effet, le questionneur lui a demandé de donner une réponse résumée. Et ce sujet, il l'a détaillé dans nombreux de ses ouvrages sur l'islam, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, cela ne peut pas être traité ici, car en réalité, elle représente quoi? La religion tout entière. La religion tout entière, ceci est donc la réalité de la taqwa, qui est la réalité de la foi, et la réalité également du bon comportement. Ensuite, il dit, rahimahullah, « لكن ينبع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. » Il dit cependant, la source du bien et sa base, c'est le fait que le serviteur, il voue un culte exclusif à son Seigneur, en termes d'adoration et en termes de demande d'aide. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala, « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Donc, l'ensemble du bien, se trouve dans ces deux choses qui sont mentionnées dans ce verset, que l'on répète dans chacune de nos unités de prière. « Iyaka na'bud » C'est toi seul que nous adorons. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de tes adorations. « Wa iyaka nasta'in » Le fait que tu ne demandes l'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu prennes conscience que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourrais pas accomplir son adoration. Tu ne pourrais pas te soumettre à ses ordres et délaisser ses interdits si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas à cela. Donc l'ensemble du bien se trouve dans ces deux paroles. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de lui demander à lui seul l'aide. Il dit « Wa fi qawlihi fa'budhu » وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Adore-le, c'est-à-dire adore Allah, et place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui, demande-lui l'aide dans l'ensemble de tes affaires. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ C'est en lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ Et recherchez auprès d'Allah la subsistance. Adorez-le et soyez reconnaissant envers lui. بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْعَبْدُ تَعَلُّقَ قَلْبِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ انْتِفَاعًا بِهِمْ وَعَمَلًا لِأَجْلِهِمْ Il dit de sorte, c'est-à-dire que le serviteur, il voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne demande l'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à ce qu'il coupe tout lien avec les créatures. Yani il ne lie pas son cœur avec les créatures. Son cœur n'est pas attaché aux créatures. Il dit, intifa'an bihim, ni pour profiter d'eux, ni pour chercher à profiter d'une chose d'eux, ou amalan li ajlihim, ou en œuvrant pour eux, comme par l'ostentation ou autre chose comme cela. C'est-à-dire que la personne, elle délaisse ce qu'il y a auprès des gens, et elle lit son cœur à qui ? Elle lit son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'alu himmatahu rabbahu. Subhanahu wa ta'ala. Et il fait que son but, son ambition, la chose qu'il recherche, la chose la plus importante, c'est quoi ? C'est son Seigneur. C'est-à-dire la satisfaction de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait des efforts pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son souci, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme récompense, il souhaite les obtenir et comme châtiment, il souhaite s'en écarter et s'en préserver. Et il ne se soucie pas de ce qu'il y a auprès des gens. Celui-ci, celui qui vit ainsi, avec le cœur attaché seulement à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors il vivra une bonne vie. Il sera heureux, il sera apaisé, car il n'attendra rien des créatures. Il dit ensuite, wa dhalika bil mulazamati ad-du'a ila fi kulli matlubin. من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب. Il dit cela, il va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction, ça soit la seule chose à laquelle il donne de l'importance, il dit en l'invoquant constamment. Et ce pour toute demande. Pour toute chose dont il a besoin, il va revenir à qui ? Il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il est en difficulté, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a un besoin, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a une crainte, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala afin de dissiper cette crainte et il ne demandera rien à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc comment doit être le comportement du croyant. Son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne porte pas préjudice aux créatures et il n'attache pas son cœur aux créatures en les sollicitant souvent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également informé dans un autre hadith rapporté par Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu dans lequel il a mentionné trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour nous et trois choses qu'il réprouve. Et parmi les choses qu'Allah réprouve pour ses serviteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quoi ? Kathrat as-su'al, le fait de beaucoup solliciter les gens. De toujours adresser des demandes aux gens. Et de là, on voit la défaillance présente au sein de nombreux parmi nous, au sein de la communauté, qui laissent qu'ils ont un besoin, qu'est-ce qu'ils s'empressent de faire? Se diriger vers les autres. Réclamer des gens qu'ils les sortent d'une difficulté. Réclamer les gens qu'ils les aident à faire ceci et cela. On voit de nos jours les quêtes pour n'importe quel besoin, aussi moindre soit-il, se multiplier sur Internet, notamment depuis l'apparition des réseaux sociaux. Tous les jours, il y a une quête au point que le cœur du croyant n'est même plus touché par ces quêtes. Tous les jours, il voit un tel est malade, il a besoin de ceci. Un tel a eu cela, il a besoin de ceci. Les gens n'interrogent même plus ou ne demandent même plus à leurs proches ou aux gens qui sont autour d'eux. Ils vont directement sur Internet, ils ouvrent une cagnotte et on demande aux gens et les gens donnent l'argent et le problème est réglé. Et on ne sait même pas qui se cache derrière ces quêtes parfois. Il se peut que ce soit des personnes qui profitent de la naïveté des musulmans. Et par cette parole ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les personnes qui font des quêtes parfois par nécessité et qui n'ont pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre garde à ne pas tomber dans le laxisme à ce sujet au point de faire une quête pour des choses qui ne sont parfois pas des cas de force majeure et pas des cas de nécessité et qui ne demandent pas de solliciter le fait que les musulmans donnent de leur argent pour cela. Mais la personne, lorsqu'elle a une difficulté, elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et elle accomplit les causes légiférées pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Ensuite, il dit « وَالْعَمَلِ لَهُ بِكُلِّ مَحْبُوبِ » Et le fait de mettre en pratique pour Allah tout ce qu'il aime. Il incombe au serviteur de multiplier les œuvres qu'Allah aime parmi les adorations et les obéissances et il doit accomplir ses œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite وَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا Et celui qui saisit cela. Une fois de plus, Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, il insiste sur cela. L'importance de comprendre l'essence des paroles qu'on est en train de lire et également de les mettre en pratique. C'est-à-dire celui qui saisit cela, qui comprend cela et qui le met en pratique. فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُوصَفْ مَا يَعْقِبُهُ ذَلِكَ Il n'est alors pas possible de décrire ce qui s'en suivra. C'est-à-dire ce qu'il récoltera comme bienfait, ce qu'il récoltera comme délice s'il accomplit cela. S'il s'en remet dans tous ses besoins à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il détache son cœur des créatures et qu'il n'attache son cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il vivra une vie heureuse. Et il dit, cher l'Islam, c'est pas possible de décrire ce qu'il va ressentir à ce moment-là lorsqu'il aura accroché son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc terminé ici, cher l'Islam, en ce qui concerne la première question d'Abul Qasim, rahimahum Allah ta'ala, et il va passer à la deuxième question qui concerne les meilleures des œuvres après les obligations. Il dit, rahimahullah, وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ Quant à ce au sujet de quoi tu as interrogé, quant aux meilleures des œuvres après les obligations. Donc comme on l'a vu, Abul Qasim, rahimahullah, c'était un savant. Il a donc précisé dans sa question qu'il voulait connaître la meilleure des œuvres après les obligations. Car il savait que les obligations sont les meilleures des œuvres. Donc il ne voulait pas demander quelles sont les meilleures des œuvres. Il savait que Cheikh l'Islam lui aurait dit, les meilleures des œuvres ce sont ce qu'Allah a prescrit comme il est venu dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudasi, « Ma taqarraba ilay abdi bi shay'in ahabbu ilay mimma aftaradtuhu alay » Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les obligations. Donc les meilleures des œuvres, ce sont les obligations. Il incombe donc au serviteur, tout d'abord, de veiller à accomplir l'ensemble de ses obligations. Et c'est une erreur que la personne, elle s'occupe et se préoccupe d'accomplir des œuvres surérogatoires multiples, alors qu'elle est négligente quant à ses obligations. Et parmi les exemples courants, connus de tous, que l'on peut citer à ce sujet, ceux qui sont présents tous les mois de Ramadan à la prière de Taraweh, une prière surérogatoire. Il ne prie pas les cinq prières dans la journée. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, il ne les prie pas. Mais il vient le soir accomplir une prière qui est longue et peut-être difficile, plus difficile que ces cinq prières. Il patiente sur cela, mais il délaisse quoi? Il délaisse son obligation. Celui-ci, il est comme une personne qui veut construire une maison et qui investit tout son argent dans quoi? Dans la décoration. Mais les piliers, il les néglige. Construit des petits piliers en bois ou qui vont se casser. Il néglige les piliers. Et il investit tout son argent dans quoi? Dans l'ornement et la décoration, les choses futiles. Il n'a pas commencé par les bases. Donc, Cheikh Al-Islam, rahimahullah ta'ala, ici, il va répondre à la question d'Abul Qasim en nous présentant les meilleures des œuvres. Après quoi? Après les obligations. C'est-à-dire que la personne, elle doit se concentrer tout d'abord sur ses obligations. Puis après, elle multiplie les œuvres surérogatoires. Car ceci n'est pas un encouragement au délaissement des œuvres surérogatoires. Elles sont très importantes. Dans la suite du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ » Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que je l'aime. Donc lorsque tu fais suivre tes œuvres obligatoires d'œuvres surérogatoires, tu obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc très important également de faire suivre tes œuvres obligatoires d'œuvres surérogatoires. Mais tu dois tout d'abord te concentrer sur la base, puis après, tu les fais suivre d'œuvres surérogatoires. Il dit ensuite, donc, rahimahullah, فَإِنَّهُ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ. Il dit, quant aux meilleures œuvres, après les œuvres obligatoires, elles diffèrent selon les différences des gens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous pareils. Les meilleures œuvres après les œuvres obligatoires, elles ne seront pas toujours les mêmes en fonction des personnes. Il dit, rahimahullah, فِمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَمَا يُنَاسِبُ أَوْقَاتَهُمْ. Selon ce dont quoi ils sont capables, ce qu'ils ont les capacités de faire, et ce qui correspond au temps qu'ils ont et au moment durant lesquels sont accomplies ces adorations. En effet, il y a des gens qui ont des facilités pour accomplir certaines œuvres. On trouve parmi nos frères, certains par exemple, qui ont de la facilité à jeûner. Il est facile pour lui de jeûner. Il va donc multiplier cette œuvre. Il va jeûner souvent, tous les lundis et les jeudis, les jours blancs, voire même peut-être un jour sur deux, et ceci est un grand bien. D'autres, ils vont avoir de la facilité à faire des prières surérogatoires. Il va accomplir toutes ses rawatib, il va faire salat al-duha, il va prier la nuit, et ainsi de suite. D'autres, ils auront de la facilité, par exemple, à mémoriser. Tu vas le voir, tout ce qu'il lit, il le mémorise, il apprend. Sans cesse, il est dans l'apprentissage, la mémorisation de la science. Donc chacun, selon ses capacités, la meilleure œuvre pour lui, ça va être ce qui lui est facilité. En effet, s'il a de la facilité à jeûner, il ne va pas s'occuper avec une autre adoration qui va être peut-être plus difficile pour lui. Il va multiplier le jeûne. Celui qui a de la facilité à mémoriser, et que le jeûne pour lui, il est difficile, on ne va pas lui dire « jeûne » et délaisse la mémorisation, alors que la mémorisation, elle est facile pour lui. Au contraire, il faut qu'il saisisse cette opportunité. Donc il va faire prédominer cette œuvre qui lui est facilitée afin de la multiplier et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant cette œuvre. Et celui qui est facilité dans une chose, à qui Allah subhanahu wa ta'ala par exemple a facilité la mémorisation, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la multiplication des adorations surérogatoires, il ne doit pas mépriser ses frères à qui cela n'a pas été facilité. Car peut-être toi, il t'a été facilité cette adoration et lui, il en était facilité une autre. Chacun selon ses capacités. Et à ce sujet, il est rapporté un récit de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Un jour, un adorateur lui a écrit une lettre afin de le conseiller. Cet adorateur, il passait ses journées et ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières, le jeûne, etc. Et il a trouvé que les œuvres de l'imam Malik, rahimahullah, elles étaient peu nombreuses. Il le voyait tout le temps en train d'enseigner aux gens. Donc il a écrit à l'imam Malik, rahimahullah, et il l'a conseillé à ce sujet, et il lui a dit de délaisser un peu l'enseignement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire des adorations qu'il ne le voit pas faire. Bien sûr, lui, cet adorateur, il a recherché quoi? Le bon conseil. Il voyait que l'imam Malik, rahimahullah, ne faisait pas les mêmes adorations que lui. Donc, il a voulu le conseiller à ce sujet. Alors l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il lui a répondu une réponse très profitable. Il lui a dit, rahimahullah, certes Allah a partagé les œuvres de la même manière qu'il a partagé la subsistance. Il y a des riches, il y a des pauvres. Dans les œuvres, c'est pareil. Il y en a qui en accomplissent beaucoup, d'autres qui en accomplissent moins. Ensuite, il lui dit, et il se peut qu'un homme, il lui soit facilité le fait de multiplier les prières. Mais il ne lui est pas facilité le jeûne. Il arrive à prier beaucoup, mais n'arrive pas à jeûner beaucoup. Et un autre, il lui est facilité la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et la propagation de la science fait partie des meilleures œuvres de bien. Et la propagation de la science fait partie des œuvres de bien. Et je suis certes satisfait de ce qu'Allah m'a facilité. Et je suis certes satisfait de ce qu'Allah m'a facilité. Et je ne pense pas que ce sur quoi je suis est inférieur à ce sur quoi tu es. Et j'espère que nous sommes tous les deux sur le bien et la piété. Vous observez tout d'abord, dans la réponse de l'imam Malik, rahimahullah, une grande sagesse et de nombreux bénéfices. Il nous indique donc qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a facilité certaines choses à certaines personnes et d'autres à d'autres personnes. Il n'y a pas de doute que la diffusion de la science, comme le font les savants, à l'exemple de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ceci nécessite beaucoup de temps qui ne lui permet peut-être pas d'accomplir certaines œuvres. Il a besoin de temps tout d'abord pour apprendre cette science, pour faire des recherches au sujet de cette science. Car s'il ne l'apprend pas, comment peut-il la diffuser ? Ce n'est pas comme aujourd'hui, on voit des gens qui commencent par diffuser la science alors qu'ils ne l'ont même pas appris. On ne sait même pas ce qu'ils diffusent en réalité. Donc, le savant et l'étudiant, ils ont besoin de temps pour étudier, pour rechercher, pour apprendre cette science, afin de l'enseigner aux gens. Et celui qui occupe sa personne par l'adoration, il se peut qu'il ne se rende pas compte de l'importance de cela. Et qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il y a derrière cela. Derrière l'enseignement du savant, l'enseignement du prédicateur, l'enseignement de l'étudiant. Ils ne se rendront pas compte des efforts que cela nécessite derrière cela. Et il se peut que tu vois certaines personnes qui font beaucoup d'efforts dans les adorations et qui voient des étudiants assis dans les mosquées avec le Coran ou avec des livres ou autres. Ils trouvent que les œuvres sont peu. Ils disent, qu'est-ce qu'ils ont cela? Ils sont toujours assis en train de lire. Ils méprisent cette œuvre et ils ne se rendent pas compte de la grande récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'apprentissage et la diffusion de la science. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, ceci diverge selon les capacités des gens et selon le temps. Selon le temps, c'est-à-dire par exemple, la lecture du Coran, il est connu qu'elle est meilleure que le dhikr. Elle est meilleure que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure évocation. Celui qui veut évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure manière de l'évoquer est de lire son livre, le Coran. Et le dhikr, il est meilleur que l'invocation. C'est mieux que de faire des du'as. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est venu dans de multiples hadiths. Ceci est d'un point de vue général. Cependant, il y a des moments où l'invocation, elle va être meilleure que le dhikr et que la lecture du Coran. À titre d'exemple, lors de la prosternation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a même interdit de lui réciter le Coran lors de la prosternation. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Akthiru min ad-du'a. Multipliez les invocations lorsque vous êtes prosterné, car c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que c'est la meilleure des œuvres ? La lecture du Coran ou l'invocation ? La meilleure des œuvres, à ce moment-là, ça devient l'invocation. C'est pour cela qu'il dit, chez l'Islam, rahimahullah ta'ala, que cela diffère selon ce qui correspond au moment. Selon ce qui correspond au moment. Il dit, فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ جَوَابٌ جَامِعٌ مُفَصَّلٌ لِكُلِّ أَحَدٍ. Il n'est donc pas possible de donner une réponse générale et détaillée qui correspondrait à chaque personne. Car cela diffère, comme on l'a dit, selon les gens et selon les moments. Et ceci est vrai si tu médites sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a été interrogé sur les meilleures des œuvres, tu vois que ses réponses, elles diffèrent. Et tu vas trouver de multiples hadiths. Il est parfois interrogé sur les meilleures des œuvres. Il va dire, les meilleures des œuvres, c'est la foi en Allah. Dans d'autres hadiths, la prière en son temps. Dans d'autres hadiths, la lutte sur le sentier d'Allah. Et ainsi de suite. Et en réalité, c'est qu'il a répondu des réponses qui étaient adaptées peut-être à la personne qui questionnait au sujet de la meilleure des œuvres. C'est pour cela que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'est pas possible de donner une réponse générale en détail qui correspond à chaque personne. Ensuite, il dit, لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. Il dit cependant, ce qui est considéré comme une unanimité entre les savants au sujet d'Allah et de son ordre. Méditez sur cette parole. العلماء بالله وبأمره. Il a mentionné deux choses ici. Les savants au sujet d'Allah qui connaissent Allah, c'est-à-dire ceux qui le craignent. Ils connaissent tellement Allah subhanahu wa ta'ala que cela les a menés à la crainte d'Allah. Wa amrihi. Et à son ordre, c'est-à-dire sa religion. Le licite, les règles de la religion. Et certes, les savants ne sont pas tous de la même sorte. Il y en a qui sont savants comme ceux que Cheikh l'Islam a mentionné. Ils craignent Allah et ils connaissent le licite et l'illicite. D'autres craignent Allah, ont peu de science et ne sont pas savants de son ordre. Et d'autres, ils connaissent son ordre, ils connaissent les règles de la religion, mais ils ne craignent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous préserver de cela. Il est donc ce qui est comme l'unanimité entre les savants, connaisseurs d'Allah, craignant Allah, et connaisseurs de son ordre, c'est-à-dire de sa religion, le fait que de persister, d'être constant dans l'évocation d'Allah à tout moment est la meilleure des choses par laquelle le serviteur occupe sa personne de manière générale. C'est-à-dire que de manière générale, la meilleure des choses par laquelle tu peux t'occuper, c'est quoi ? C'est l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car l'évocation d'Allah, c'est la finalité de l'ensemble des adorations. Lorsque tu pries, c'est pourquoi ? C'est pour te rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu jeûnes pour te rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'ensemble des adorations, c'est quoi ? Elles sont faites pour accomplir quoi ? L'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit de manière générale, la meilleure des choses, c'est quoi ? C'est l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمْ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. Il dit, et c'est cela qui est prouvé par le hadith d'Abi Hurayra, رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ, qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les mufarridun, ils ont une longueur d'avance, c'est-à-dire comme s'il avait comparé les gens qui accomplissent des adorations à ceux qui sont en compétition. Et ici, il nous informe que c'est qui a gagné une catégorie de personnes qu'il a nommée Al-Mufarridoun. Il lui a alors dit, Ya Rasulallah, man Al-Mufarridoun, ô messager d'Allah, qui sont Al-Mufarridoun? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Dhakiroun Allah kathira wa al-Dhakirat. Ceux qui évoquent souvent Allah, hommes et femmes. Al-Dhakiroun Allah kathira wa al-Dhakirat. Donc ici, rahimahullah ta'ala, il nous montre, à travers ce hadith, ce qu'il vient de mentionner, que la meilleure des choses, de manière générale, c'est quoi ? C'est l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car ceux qui évoquent beaucoup Allah, ils ont fait quoi ? Ils ont gagné la compétition, car il a comparé ceux qui accomplissent ces orations à ceux qui sont en compétition lors d'une course. Ils font une course. Et les mufarridoun, ils ont une longueur d'avance. Il dit, وَفِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنَ أَبِي الدَّرْدَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إحطاه الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. Donc dans un autre hadith rapporté par Abu Dawud رحمه الله d'après Abi Darda رضي الله تعالى عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit à ses compagnons, « Ne vous informerai-je pas au sujet de la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès d'Allah et la plus haute en termes de degré pour vous, celle qui va vous élever le plus en degré, et qui est meilleure que le fait de donner l'or et l'argent, et meilleure que le fait de rencontrer votre ennemi et de le combattre. » Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attire l'attention de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, car celui qui écoute cela, il va vouloir savoir quelle est cette œuvre qui est meilleure que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mentionner. Alors ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Bien sûr que si, au messager d'Allah. Ils veulent savoir quelle est cette œuvre. Ils veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informe. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, Dhikrullah, l'évocation d'Allah. Cela nous montre donc l'importance de cet acte qui est tellement simple à accomplir. Le fait que tu remues ta langue et tu évoques Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَالدَّلَائِلُ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْإِيمَانِيَّةِ بَصَرًا وَخَبَرًا وَنَظَرًا عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا. Et les preuves coraniques, les preuves tirées du Coran, et les preuves de la foi, c'est-à-dire ce que le croyant va ressentir dans son cœur, et il va voir dans son cœur comme situation, c'est-à-dire en multipliant l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elles sont nombreuses, elles s'observent, elles sont présentes dans les textes, et elles se voient, on peut les observer, et elles sont très nombreuses, il dit ses preuves. Que ce soit dans le Coran, ou dans ce que le croyant il va ressentir dans son cœur lorsqu'il évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose palpable, il va le ressentir. Lorsqu'il multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver un apaisement, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre. Il dit, wa aqallu dhalik, et le minimum dans cela. Donc ici, il va nous montrer quoi ? Il va attirer notre attention sur comment faire partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. Al-mufarridun, ceux qui évoquent fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wa aqallu dhalik, an yulazim al-abdu al-adhkar al-ma'thura an mu'allim al-khayr wa imam al-muttaqin. Et le minimum de cela, c'est quoi ? C'est que le serviteur, il soit assidu dans les adhkar rapportés par l'enseignant du bien et le guide des pieux, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le cheikh al-Islam, rahimahullah, il attire notre attention sur une chose très importante. Lorsqu'il dit les adhkar rapportés par l'enseignant du bien et le guide des pieux, c'est-à-dire rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il est important dans les adhkar, dans les formules et les termes par lesquels tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, de te limiter à quoi ? De te limiter à ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux nombreux livres que l'on trouve parfois, notamment pour ceux qui vont visiter les lieux saints, il trouvera des gens qui viennent avec des livres et les distribuent avec des invocations qui sont inventées, avec des formules d'évocation qui n'ont aucune source parfois. On ne sait pas d'où elles sortent. Donc ici, cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il insiste sur le fait que tu dois délaisser ces choses-là. Toute formule d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas présente dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle doit être délaissée, mais tu dois être assidu dans ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donner ensuite des exemples. Il dit quel afkar al-muwaqqata fi awal an-nahar wa akhirih. Il dit comme les afkar qui sont déterminés par un temps, restreints par un temps. Car les afkar, ils se divisent en deux sortes. Il y en a certains qui sont restreints par un temps ou par des choses précises, des actions particulières. Et il y en a d'autres qui sont générales et peuvent être faits à tout moment. Il va les mentionner aussi, rahimahullah ta'ala. Il a donc commencé par les adhkar qui sont restreints à un temps particulier. Il dit, comme les adhkar que tu fais au début en fin de journée. Adhkar al-sabah ou al-masa. Le dhikr du matin et du soir. Donc ceci est très important. Il y a de grands bénéfices en cela. En plus d'obtenir la récompense de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est assidu dans ses adhkar, dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir, il va trouver un grand bien pour lui, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, il obtiendra la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, il doit être assidu dans cela et ne pas les négliger. Il y a certaines personnes, parfois qui se plaignent de certains mots comme la sorcellerie ou le toucher du diable ou autre chose comme cela. Et si tu le regardes dans ce quotidien, tu verras qu'il évoque très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment ces adhkar-là, il se peut qu'il n'en ait même pas connaissance. Il se plaint d'être touché par le mauvais œil, d'être touché par ceci et cela, mais en réalité il n'a même pas fait les causes tout d'abord pour se préserver. Il attend d'être touché par le mal pour ensuite chercher la guérison. Non, ce qu'il faut faire, c'est commencer tout d'abord à chercher à se préserver. À chercher à se préserver parmi les causes pour se préserver après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En se soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits, il y a le fait d'être assidu dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَعِنْدَ أَخْذِ الْمَجَّعِ. Et en se mettant au lit, lorsque tu vas te coucher, il y a des formules d'évocation qui sont légiférées. وَعِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ. Et lorsque tu te réveilles, وَإِدْبَارَ الصَّلَوَاتِ. Et également, après les prières. Et le shir ici, rahimahullahu ta'ala, il parle de l'évocation des formules de dhikr qui sont faites après le teslim, comme le tasbih, la récitation de ayat al-kursi, etc., comme vous les connaissez et que vous les mettez en pratique de la manière qui a été légiférée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous raffermir sur cela. Il dit ensuite wal adhkar al-muqayyada mithla ma yuqal 'inda al-aql wa al-shurb. Il dit également, il y a des adhkar qui sont muqayyada, c'est-à-dire restreints à une œuvre particulière. Restreints à une œuvre particulière. Comme lorsque tu manges et lorsque tu bois. Wal libas, wal jima', wa dukhul il manzil, wal masjid, wal khala, wal khuruj min dharik, wa inda al matar, wal ra'd, ila ghayri dharik. Il dit également, lorsque tu mets tes vêtements, lorsque tu as des rapports intimes, lorsque tu rentres chez toi, à la mosquée ou aux toilettes, ou quand tu sors de cela, c'est-à-dire que tu sors de chez toi, de la mosquée ou des toilettes. À chacun de ces moments, il y a des formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont légiférées. Il dit également, et lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du tonnerre, et ainsi de suite, c'est-à-dire et ainsi de suite parmi les œuvres pour lesquelles certaines formules d'évocation sont légiférées. Et il dit, وَقَدْ صُنِّفَتْ لَهُ الْكُتُوبُ الْمُسَمَّى بِعَمَلِ الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ. Il dit, il y a de nombreux livres qui ont été écrits à ce sujet et qui sont appelés par les œuvres du jour et de la nuit. Les œuvres du jour et de la nuit. En effet, il y a plusieurs livres qui sont appelés ainsi, comme un livre de l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Également, on trouve dans ce domaine ou dans ce sujet le livre al-Adhkar d'An-Nawawi rahimahullah ta'ala et également al-Kalim al-Tayyib de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala lui-même. Et parmi les livres connus à ce sujet et très propagés à travers le monde, que tout le monde connaît, il y a bien sûr Hisnul Muslim, la citadelle du musulman qui réunit les différentes formules d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont légiférées à différents moments de la journée lors de différentes actions et dont l'auteur, rahimahullah ta'ala, est mort récemment. Il dit ensuite, rahimahullah, ثم ملازمة الذكر مطلقة. Il dit ensuite le fait d'être assidu dans l'évocation de manière absolue. On a vu les premières formules de Adhkar, elles étaient restreintes ou à un temps ou à une action. Et il y a également le dhikr qui est légiféré à tout moment, de manière absolue. À tout moment, tu peux évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa afdaluhu la ilaha illallah. Et le meilleur ou la meilleure formule d'évocation d'Allah, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, une parole simple à dire avec ta langue, tu n'as même pas besoin de bouger tes lèvres pour la prononcer. La ilaha illallah. Tu prononces cette parole plusieurs fois dans la journée et tu obtiendras ainsi d'immenses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la meilleure formule d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith rapporté par Jabir radiallahu ta'ala anhu, qui a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dire « Afdalu dhikr, la ilaha illallah ». La meilleure formule d'évocation, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ». La ilaha, c'est-à-dire, il n'y a personne qui est en droit d'être adoré. Illallah, à l'exception d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la parole du tawhid. Il est important à celui qui la prononce de comprendre son sens. Car celui qui dit la ilaha illallah à longueur de journée, mais qui ne comprend pas son sens, ne sait pas ce qu'il dit. Il croit par exemple que cela veut dire il n'y a pas de créateur autre qu'Allah. Certes, il n'y a pas de créateur autre qu'Allah, mais ceci n'est pas le sens de cette parole. Ceci n'est pas ce qui est visé par cette parole avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble de ses messagers alayhim salatu wassalam. Mais ce qui est visé par la ilaha illallah, c'est quoi? Ce qui est visé par la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rejettes donc l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Et ceci est la meilleure formule d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَقَدْ تَعْرُضُ أَحْوَالٌ يَكُونُ بَقِيَّةُ الذِّكْرِ مِثْلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنْهُ. Il dit il peut y avoir des situations où les autres formules d'évocation, comme le fait de dire سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ou la hawla wa la quwwata illa billah, sont meilleurs que de dire la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il y a des moments où même si la ilaha illallah est la meilleure formule d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est meilleur de prononcer d'autres formules. À titre d'exemple, lors de l'adhan, lorsque le muadhin appelle à la prière et qu'il dit Allahu akbar, Allahu akbar, qu'est-ce qu'il est légiféré pour nous de dire à ce moment-là? On répète ce qu'il dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc à ce moment-là, le takbir, il est meilleur que le tahlil. Le fait de dire Allahu Akbar ici, il est meilleur que de dire La ilaha illallah. Également, lorsqu'il dit Hayya ala salah, il est meilleur de dire quoi? La ilaha illallah? Ou bien La hawla wa la quwwata illa billah. Ici, dans cette situation, la parole La hawla wa la quwwata illa billah, elle sera meilleure que le fait de dire La ilaha illallah. Donc de manière générale, la meilleure évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? c'est le fait de dire la ilaha illallah. Mais dans certains moments et dans certaines situations, il se peut que d'autres paroles soient préférables et plus méritoires. Et la règle qu'il faut retenir à ce sujet, afin de savoir quelle est la meilleure des œuvres à accomplir, c'est une règle qui est très simple à retenir. C'est qu'à chaque moment, la meilleure des choses à faire, c'est la chose la plus conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré une parole à ce moment-là, alors ceci est la meilleure parole à prononcer à ce moment-là. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré un acte à accomplir à un moment particulier, alors cet acte est le meilleur acte que tu peux accomplir à ce moment. Et ainsi de suite. Donc la meilleure des œuvres en réalité, si on voulait réunir cela sous une parole, on dirait la meilleure des œuvres, c'est celle qui est le plus conforme à la sunna selon le moment et la situation. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله تبارك وتعالى. Il dit ensuite qu'il sache que toute parole que le serviteur prononce et les choses, ou plutôt et les actes de son cœur, parmi les choses qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme l'apprentissage de la science, son enseignement, le commandement du bien, l'interdiction du mal, tout ceci fait partie de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il attire notre attention ici, après nous avoir dit l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les différents moments dans lesquels ils sont légiférés, il attire notre attention sur le fait qu'également l'apprentissage de la science et son enseignement fait partie de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas limitée au fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Mais il y a également l'apprentissage de la science et son enseignement. Bien sûr, ces quatre paroles, elles sont très méritoires. En effet, dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les mérites de ces paroles. Il a dit par exemple, les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont au nombre de quatre. Puis il a mentionné subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ce sont les quatre paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait que je dise ces paroles, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, est préférable pour moi à tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire tout ce bas monde. Il préfère prononcer ces quatre paroles plutôt que tout ce bas monde et ce qu'il contient comme richesse. Cela nous montre l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles, elles font partie de tes hasanat si tu les accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu dans les cours d'hier, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les hasanat, les bonnes actions, elles dissipent les mauvaises. Elles sont la cause de l'expiation de tes mauvaises actions. Donc tu as ces hasanat qui peuvent être négligées par les gens, alors qu'en réalité elles sont les causes simples pour expier tes péchés. Le fait que tu évoques sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum auprès d'un arbre qui avait séché, dont les feuilles étaient sèches. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un bâton et il a tapé sur l'arbre. Donc vous savez que lorsque les feuilles d'un arbre sont sèches, si on le secoue ou qu'on tape dessus, qu'est-ce qu'il va se passer? Beaucoup de feuilles qui vont tomber. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont regardé les feuilles tomber. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Inna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, font tomber vos péchés de la même manière que les feuilles tombent de cet arbre. » C'est-à-dire que lorsque tu prononces ces paroles, cela expie tes péchés. Mais ce n'est pas seulement un seul péché. Comme de la même manière que les feuilles elles tombent de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de péchés qui sont dissipés. Il est donc important de ne pas négliger ces paroles précieuses qui sont une œuvre qui est très simple à faire et très simple à accomplir. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il avait mentionné aussi la parole « Wa la hawla wa la quwwata illa billah ». Et ceci aussi, c'est une formule de dhikr qui est importante et qu'il ne faut pas négliger et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant un trésor parmi les trésors du paradis. Et il a dit dans un autre hadith, « Akthiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. » multiplier la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas comme le font beaucoup de gens aujourd'hui lorsqu'ils apprennent une mauvaise nouvelle. Ils disent la hawla wa la quwwata illa billah, ou une chose blâmable. Ils disent cela. Ce n'est pas cette parole qui est légiférée à ce moment-là. Lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle, que tu es éprouvé, ce qui est légiféré, c'est de dire comme il est venu dans le verset, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Mais lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire, je ne me déplace et je n'ai de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, c'est une manière d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que tu es en train d'accomplir. Lorsque tu accomplis quelque chose de difficile, qui nécessite que tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu prononces cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné que l'enseignement et l'apprentissage de la science font également partie de l'évocation d'Allah et que ce n'est pas limité à ces paroles, وَلِهَذَا مَنْ اِشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَوْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَتَفَقَّهُ أَوْ يُفَقِّهُ فِيهِ الْفِقْهَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِقْهًا فَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَفْضَلِ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il est donc celui qui s'occupe par l'étude de la science profitable. Il a précisé la science profitable car il y a des sciences qui ne sont pas profitables, au contraire, qui sont nuisibles. À l'exemple de la science de la sorcellerie. C'est une science, mais c'est une science qui est nuisible. Il dit donc celui qui s'occupe par la recherche de la science profitable. Et ce qui est visé, comme il va le dire après, c'est la science du Coran et de la Sunna. Après avoir accompli ses obligations, ou qu'il s'assoie dans une assise pour apprendre la science, ou pour enseigner le fiqh, pour enseigner cette science, celle qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam l'ont appelée fiqh. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihu fid din. » Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde le fiqh en religion. C'est-à-dire, il l'instruit en religion. Il lui accorde la compréhension de la religion. Donc celui qui s'assoit dans ce genre d'assises, comme nous le faisons actuellement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter des bienfaits de cette assise, alors ceci également fait partie des meilleures formes d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا تَدَبَّرْتْ لَمْ تَجِدْ بَيْنَ الْأَوَّلِينَ فِي كَلِمَاتِهِمْ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ كَبِيرِ اخْتِلَافِ. Il dit donc, en se basant sur cela, si tu médites, tu ne trouveras pas chez les premiers, c'est-à-dire les premiers savants, les anciens savants, dans leurs paroles, au sujet des meilleures des œuvres, une grande divergence. C'est-à-dire que tous, ils indiquent des œuvres qui se ressemblent les unes aux autres, qui sont assez proches et qui reviennent tous à cette base qui est quoi ? L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite وَمَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلَيْهِ بِالِاسْتِخَارَةِ الْمَشْرُوعَ. Et ce qui est confus pour le serviteur, s'il lui arrive qu'il y ait une question qui est confuse pour lui, alors qu'il fasse الاستخارة, la prière de consultation qui est légiférée. Et médite sur la parole du Shir ici qui a précisé الاستخارة المشروعة, celle qui est légiférée. Car il faut faire attention à ce sujet, notamment au sujet de la prière de consultation. Il y a des gens qui ont inventé des choses à ce sujet, qui ont innové des choses autour de la prière de consultation. Donc le Shir ici, rahimahullah, il nous met en garde contre cela, il nous dit بالاستخارة المشروعة. Salat al-istikhara, la prière de consultation, celle qui est légiférée. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a honoré les gens de l'islam par cette prière, la prière de consultation, qui leur permet, lorsqu'ils sont hésitants au sujet de l'accomplissement d'une chose, qu'ils ne savent pas s'il y a un intérêt ou un méfait à faire cela, s'il est mieux de faire une chose ou de la délaisser, concernant certaines affaires de leur religion ou leurs affaires mondaines, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré cette prière. Contrairement aux gens de la jahiliya, avant l'islam, lorsque les gens par exemple ils souhaitaient partir en voyage, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Par exemple, ils prenaient un oiseau, ils le jetaient, ils regardaient dans quelle direction il allait partir. À titre d'exemple, on va dire s'il partait à droite, alors c'est bon, le voyage était une bonne chose. Et s'il partait à gauche, le voyage n'était pas une bonne chose, alors il ne partait pas. Et ceci est du shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a remplacé cela par quelque chose de meilleur. qui est la prière de consultation. C'est-à-dire qu'après avoir demandé conseil aux gens pieux de ton entourage, tu vas te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te facilite ou te détourne de cette chose. Comme il est venu dans le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait à l'istikhar fil umuri kulliha, dans toute chose, dans toute affaire. C'est-à-dire dans toute affaire sur laquelle la personne est hésitante. Quant aux choses qui sont claires et évidentes, il n'y a pas besoin de faire istikhara. Tu ne fais pas istikhara, par exemple, pour savoir si tu vas être bon envers tes parents. Tu ne fais pas istikhara pour savoir si tu vas te rendre à la mosquée. Ou autre chose comme celle-ci qui sont parmi les choses claires de la religion, qui n'ont pas besoin de consultation. Mais s'il y a une chose qui est équivoque, sur laquelle tu doutes, tu ne sais pas si elle est nuisible ou profitable, si tu dois la faire ou la délaisser, alors tu fais l'istikhara. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait à l'istikhara comme une sourate du Coran, de la même manière qu'une sourate. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique l'importance de prononcer et d'apprendre les termes de l'invocation légiférée lors de la prière de consultation, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons. Il l'a enseigné comme une sourate du Coran, c'est-à-dire de manière précise. Car le Coran, il n'est pas permis d'en déformer ne serait-ce qu'une seule de ses lettres. Donc il leur enseignait la prière de consultation, l'invocation de la prière de consultation, de la même manière. Et ceci nous montre son importance. Il dit ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous souhaite accomplir une chose, alors qu'il accomplisse deux unités de prière en dehors de celles prescrites. C'est-à-dire deux unités de prière en dehors des prières obligatoires. Et il est permis de la faire lorsque tu accomplis Tahiyat al-Masjid, par exemple, la prière de salutation de la mosquée. Ou une prière surérogatoire comme les deux unités que tu accomplis après le Maghreb ou après l'Aïcha. Ou autre prière surérogatoire. L'important, c'est que cela ne soit pas une des cinq prières obligatoires. Tu accomplis donc deux unités de prière, puis après celle-ci, tu fais l'invocation qui est légiférée, que vous trouvez dans les livres d'Adhkar. Il dit ensuite, « فَمَنَدِمَ مَنْ إِسْتَخَارَ اللَّهِ » Celui qui consulte Allah, il ne regrettera jamais. Il n'aura pas de remords. Si la chose lui est facilitée, il va accepter cela. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le détourne de cette chose, il en sera satisfait également. Il dit ensuite, وَلْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الدُّعَى. Et qu'il multiplie cela, c'est-à-dire la prière de consultation, et également l'invocation. C'est-à-dire l'invocation de manière générale. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider dans ce qui est équivoque pour lui. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à atteindre la vérité. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a trouvé cette vérité, de le raffermir sur celle-ci. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas atteindre son but. Il dit « فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ » Car l'invocation, c'est la clé de tout bien. L'invocation, c'est la clé de tout bien. Toute chose qui est profitable et que tu souhaites pour ta personne, que ce soit pour ta religion, ou pour tes affaires mondaines, ou pour l'au-delà, alors sa clé c'est quoi? C'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car toutes ces choses, elles sont entre les mains de qui? Elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en l'invoquant subhanahu wa ta'ala que tu obtiendras son aide, et tu n'obtiendras ces choses que par sa permission subhanahu wa ta'ala, et s'il t'accorde son aide. Et à ce sujet, il est rapporté un récit d'un des salafs, du nom de Mutarrif, rahimahullahu ta'ala. Il a dit selon le sens, « Si tout le bien était mis dans ma main droite et que mon cœur était mis dans ma main gauche, je ne pourrais mettre de ce bien, c'est-à-dire de ses œuvres de bien, ses paroles de bien, etc. dans mon cœur, que par quoi? Que ce qu'Allah voudra mettre. Que ce qu'Allah voudra y faire entrer. C'est-à-dire que le bien, tu ne peux l'accomplir que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'aide d'Allah, tu ne serais pas musulman. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourrais pas prier. Sans l'aide d'Allah, tu ne pourrais pas jeûner, et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien. Il dit donc l'invocation, c'est la clé de tout bien. Il est donc important pour le musulman de multiplier les invocations. Il dit, وَلَا يَعْجَلْ. Il ne s'empresse pas. فَيَقُولْ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. J'ai invoqué, et je n'ai pas été exaucé. Celui qui dit cette parole, il s'est privé lui-même de l'exaucement de son invocation. Certaines personnes, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent être exaucés à l'instant même. Ils demandent une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter pour trouver un travail, de lui faciliter pour se marier, ou autre chose que le serviteur peut souhaiter. Il veut voir les résultats de l'invocation tout de suite. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il répond aux invocations de ses serviteurs de différentes manières. Parmi ces manières, il y a le fait qu'il répond à l'invocation du serviteur tel qu'il l'a demandé. Il a demandé qu'il lui facilite un travail, il lui facilite, il trouve rapidement un travail. Il peut également, Allah subhanahu wa ta'ala, te prémunir d'un mal plus grand. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de mal, de mauvais, de néfaste qui allait se produire est arrivé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette chose que tu as demandé, il t'a préservé de ce mal. Mais est-ce que tu peux en avoir connaissance? La réponse est non, tu n'en as pas connaissance. Tu ne peux pas savoir cette chose. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance. Et la troisième chose, ou la troisième manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de ses serviteurs, c'est qu'il lui réserve pour l'au-delà. Le moment où le serviteur en aura le plus besoin. Lors des frayeurs du jour de la résurrection, et que ni biens ni enfants ne seront profitables pour le serviteur, il trouvera ses invocations qu'il faisait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui mettre de côté pour ce moment-là, un moment où il n'aura le plus grand besoin. Donc lorsque le serviteur il dit « J'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. Allah n'exauce pas mes invocations. » Il se prive lui-même de l'exaucement de ses invocations, il se prive de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragés à multiplier les invocations. Et il nous a promis, à la suite des invocations, quoi ? Qu'il nous exaucerait. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Immédiatement, il a dit cela après. Vous m'invoquez, je vous exaucerai. Donc tu dois avoir la certitude que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il t'exauce. Sans aucun doute. D'une des trois manières que l'on a mentionnées. Et le fait de s'empresser fait partie des empêchements à l'exaucement de l'invocation. Il dit ensuite, وَلْيَتَحَرَّ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ. Et il choisit les moments méritoires. C'est-à-dire pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu choisis les moments les plus méritoires. Il mentionne ensuite certains de ces moments. Il dit, كَأَخِرِ اللَّيْلِ. Comme la fin de la nuit. C'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas, puis dit, qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Le dernier tiers de la nuit donc, c'est un moment béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes décrit ses serviteurs croyants comment? Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. بِلْ أَسْحَارِ, c'est-à-dire à l'approche de l'aube. En fin de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il profite de ce moment béni qui est le dernier tiers de la nuit. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il l'a mentionné en premier, pourquoi? Car c'est le moment le plus propice à l'exaucement des invocations. En effet, c'est le moment de la descente divine. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel de plus bas. Et malheureusement aujourd'hui, ce moment, il est négligé par la plupart d'entre nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose ses grâces. Et on néglige ce moment, et on ne se soucie pas, et on ne se préoccupe même pas. Wallah al-musta'an. Imaginez-vous qu'un riche commerçant propose aux gens de la mosquée, celui qui vient chez moi à 2h du matin, on ne va même pas dire une grande somme, je lui donne 200 euros. Combien il va y avoir de personnes devant chez lui, ce soir-là? Tout le masjid sera présent. Tout le masjid sera présent. Juste pour une petite somme d'argent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend chaque nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi des rois. Il possède tous les trésors de ce bas monde. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est à lui. Et il dit que chaque nuit, il descend au ciel le plus bas. Il dit, qui m'invoque, je l'exauce. Tu demandes ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'exauce. Qui me demande, je lui donne. Il te donne ce que tu veux. Qui implore mon pardon et je lui pardonnerai. Il te donne son pardon, subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ce moment est très négligé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Également, il dit, rahimahullah, wa adbar as-salawat. Et après les prières. Après les prières, ce qui est visé, c'est lorsque tu fais le tashahud, puis tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis tu recherches refuge contre les quatre. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, puis après cela, qu'il invoque, qu'il choisisse parmi les invocations ce qu'il veut. C'est-à-dire que ce moment-là, qui est négligé par beaucoup de personnes, notamment ceux qui prient derrière l'imam, tu les vois accomplir le tashahhud. Une fois qu'ils ont terminé, l'imam est encore assis, encore en prière, il n'a pas fait les salutations, il pose ses mains. Khalas, il a terminé. Il attend. Alors que c'est un moment propice à l'exaucement des invocations. Et parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il y a celle qu'il a enseignée à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est venu à Mu'adh et il lui a dit « Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. » « Oh Mu'adh, par Allah, je t'aime. » Puis après, il lui a enseigné une invocation. Il lui a dit « Ne délaisse jamais, à la fin de chaque prière, le fait de dire « Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. » »« Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier, à être reconnaissant envers toi et à parfaire ton adoration. »« Wa husni ibadatik. » »« À t'adorer de la meilleure manière. » Car ces choses-là, elles ne peuvent être accomplies que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a une invocation qu'il a appris à Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Et toutes ces invocations, vous les trouvez toujours dans les mêmes livres au sujet des évocations légiférées. Il dit ensuite, « Wa inda al-adhan » et au moment de l'adhan, c'est-à-dire après l'adhan, entre l'adhan et l'iqama, le moment dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ceci est un moment où les invocations, elles sont exaucées. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme le rapporte Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, certes, l'invocation n'est pas rejetée entre l'adhan et l'iqama, entre le grand appel à la prière et le petit appel à la prière. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Fad'u, alors invoquez. » C'est-à-dire que ce qui est préférable entre l'adhan et l'iqama, c'est quoi? Invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Un moment propice pour invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une condition que tu l'invoques en levant les mains, en t'asseyant, mais tu peux l'invoquer également pour multiplier les possibilités de te faire exaucer lorsque tu es prosterné. Tu accomplis deux unités entre l'adhan et l'iqama, et lors de tes prosternations, tu multiplies les invocations à ce moment-là pour réunir entre les deux mérites, le mérite de la prosternation et le mérite de ce moment entre les deux appels. Il dit « Wa waqt nuzul al-matar » et au moment de la tombée de la pluie. En effet, il y a des hadiths authentiques qui sont rapportés au ce sujet quant au fait que les invocations, elles sont exaucé lorsqu'il pleut. Wa nahwi dhalik. Il dit et d'autres moments semblables à cela. Par exemple, lorsque la personne, elle est en voyage, l'invocation du voyageur, elle n'est pas rejetée. Également, lorsqu'il est prosterné, comme on l'a dit, c'est un moment propice à l'invocation, car c'est le moment où il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith. Également, il y a la dernière heure du vendredi, avant le maghreb. C'est un moment durant lequel les invocations sont exaucées. Donc le musulman, il doit donner une grande importance à cela. Au moment durant lesquels les invocations sont exaucées, il doit multiplier les demandes qu'il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là. Le shir rahimahullah ta'ala, il a donc fini ici de répondre à la deuxième question d'Abu al-Qasim rahimahullah et il va ensuite passer à la troisième question qui est « Quels sont les meilleurs moyens de subsistance ?» Et il va répondre de la meilleure manière, comme on le verra, incha'Allah ta'ala, après la prière. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Et on continue, incha'Allah, après l'accomplissement de la prière. Barakallahu fikum.